écoute ça. Je calcule, je prends de la vergure, comme une vergule. Il faut toujours avoir des mots qui empoisonnent et qui résonnent. J'articule pour pas donner mon cul, alors j'agite mon cul comme un poulet rôti. Et je m'introduis à la poursuite d'une inspiration. Et je prends des réflexions, ça impressionne, mais ça me passionne. Comme je veux apprendre le jargon, on m'a mis aux chaudières, mais je récupère. Alors j'espère que lendemain, il y aura une main à qui tendre. Prendre des responsabilités, j'en fais d'une moralité. Porte-parole de la minorité, et après. Ce que tu sais mieux faire, t'en fais ton affaire. Prendre du temps ailleurs pour en gagner de meilleurs. Ma foi, la vie d'en bas se passe pas sur notre planète. C'est pas net, la vie sur internet, c'est juste la phrase d'en bas. Je sens que le monde recule, à cette allure c'est dur de s'introduire. Donc je repars sur le principe que tout droit acquis est éphémère. Le bis, faire un buzz, j'ai la hantise d'être un as. Cette crasse que j'essaie d'évacuer, c'est qu'il n'y a plus de donnant. Si tu prends les choses par toi-même, on te dira que t'es un entrepreneur. Si tu restes en solo, t'es un lâcheur. Je mets les pendules à zéro, c'est comme un réseau, et repars comme un héros. T'es un bourgeois, ramasse ta fierté, va polluer ailleurs. Ici, pas d'encombrement, c'est complètement un direct live. La vie, je chie pas, y'a pas de formule magique qui controverse. Par devant, c'est beau, par derrière, à toi, dans tes fesses. Je patrouille mon quartier, j'agrandis mon cercle de confiance. Je contourne mes propres règles pour mes testostérone. Et je reprends mes rythmes, pas de quoi être envieux, j'en fais ce que je veux. Qui se voit à cinq lieues, je pose des cierges à 2 € pour ceux qui sont loin de chez eux. Dans cette société qui méprise et qui est capitaliste, que ça s'accroche pour du cash. Ce que tu sais mieux faire, t'en fais ton affaire. Perdre du temps ailleurs pour en gagner de meilleur. Ma foi, la vie d'en bas se passe pas sur notre planète. C'est pas net la vie sur internet, c'est juste la phrase d'en bas. Quand il y a un présent, c'est à bien après qu'on apprenne. Mais on joue tous ensemble avec nos ficelles. À toi de trouver et de savoir les manières. Je te parle pas de philo, mais de vécu. Pour que tu saches, la vie commence par là. Et c'est là où j'ai grandi. Des biens physiques ou intellectuels qui peuvent devenir un échange. L'occupation est une position de force. La force se traduit par une hiérarchie qui se construit au fil du temps. J'en ai, et un, à toi de trouver le reste des numéros.